Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français et des auteurs étrangers. Jean-Philippe Toussaint. Annie Arnaud. Antonio Lobo Antunesch. André Brink. Jean Dormesson. Lydie Salbert. Et toute cette semaine, Geneviève Brissac s'entretient avec Annie Arnaud. À voix nue. Annie Arnaud s'entretient avec Geneviève Brissac. Premier volet. À voix nue, on pourrait penser que cet intitulé a été écrit et inventé pour vous, Annie Arnaud. On a pu dire que toute votre œuvre, 13 romans et récits à ce jour, était une approche expérimentale, littéraire, existentielle, d'un moi hypothétique, un moi social, un moi historique, un moi de langage, de sensations et de faits aussi. Un moi construit comme on trouve sa voix. Intérieur, extérieur, naturel et fabriqué, et surprenante toujours. Une voix, c'est ce qui semble le plus naturel. C'est un don. C'est aussi le résultat d'un travail et d'une vie. C'est cela votre œuvre, un parcours qui s'entrève, se met en doute, se redéfinit, se redéplie, se modifie dans son énoncé même. 5 fois, nous allons y revenir. On va commencer aujourd'hui tout simplement par le début, l'enfance, la Normandie. Une géographie d'un lieu, une histoire d'un temps presque englouti. Comme Proust, qui n'est pas votre écrivain préféré, m'a-t-il semblé, vous poussez le temps par l'épaule, vous fixez des choses disparues, des images. La Normandie en est le cœur. Je lis la notice qui figure sur la première page de tous vos livres, avec de petites variantes, sauf pour le dernier, l'occupation, où la notice a disparu. Annie Arnaud a passé son enfance et sa jeunesse à Yvetot, en Normandie. Agrégée de lettres modernes, elle a été professeure au Centre national d'enseignement à distance. Elle vit dans le Val d'Oise, à Cergy. Oui, cette notice, je crois qu'elle elle a voulu rassembler les éléments comme pour une carte d'identité, peut-être, comme c'est pas tout à fait le hasard, peut-être, le lieu, la Normandie, et Yvetot, surtout. On va en parler. Et l'autre aspect agrégé de lettres modernes, je ne l'ai pas mis. Je dois dire que c'est assez pervers peut-être de ma part, mais je l'ai mis à partir du moment où on a commencé à traiter tout ce que j'écrivais de d'œuvres de Millinette dans la critique, etc. Et je me suis rebiffée d'une certaine façon, leur montrer que je n'étais pas forcément dupe donc à ces critiques rageurs et le fait que j'ai été professeur, oui. Pendant, j'ai fait toute une carrière de prof, quoi, parce que je voulais rester libre par rapport à ce que j'écrivais sur le fond et écrire ce qui me requiert, je crois, et être indépendante matériellement, bien sûr, ne pas écrire pour gagner sa vie. Ça, et puis parce que c'était la vérité, tout simplement. Oui. En fait. Voilà. Donc Yvetot. Oui, Yvetot. Commençons par Yvetot. Oui, j'appelle quelquefois Yvetot la ville d'origine, avec tout ce qu'on peut mettre à l'origine, alors que je ne suis pas née à Yvetot. Je suis née en Normandie, je suis née à Lillebonne, dans une petite ville qui se trouve à 25 km du Havre à peu près, et dans un quartier très ouvrier qui s'appelait La Vallée, donc pendant la guerre. Et mes parents tenaient là un café-épicerie et j'ai le souvenir surtout des bombardements. dans 44. J'ai le souvenir donc de la guerre autant qu'on peut la ressentir à travers la peur des parents et à travers aussi le sentiment d'une précarité constante lorsque nous sortions au dehors, lorsque on se promenait. Et j'ai des souvenirs très violents qui figurent dans Une femme, par exemple, le livre sur ma mère, un bombardement. Et je crois que il y a là quelque chose qui reste en moi, qui ne peut pas se penser. Il ne peut pas se penser parce que je suis trop petite, que je n'ai pas d'autres souvenirs que cette peur-là. Et puis, nous avons déménagé en 45 et nous sommes venus à Yvetot, donc où j'ai vécu de 45 à 64, mais en fait, depuis à partir de 58, j'étais plutôt à Rouen. Donc Yvetot et un café-épicerie. Oui, Yvetot, on va situer peut-être. Oui, c'est vrai. C'est exactement sur la ligne de chemin de fer entre Le Havre et Rouen, à 36 km de Rouen et à, je crois, une cinquantaine du Havre, quelque chose comme ça. Et c'est une ville qui a comme caractéristique d'être sur un plateau où il n'y a évidemment aucun cours d'eau et qui est battu des vents. Donc, première, exposée. Très exposée. Et l'autre caractéristique, c'est que c'est une ville qui a brûlé en 39 lors de l'avancée allemande, et qui a subi ensuite tous les bombardements pendant la guerre. Et donc, dont tout le centre est une espèce de grande cuvette vide qui s'est reconstruite très, très lentement. La reconstruction en France a duré très longtemps. Et j'ai donc j'ai le souvenir d'une ville qui n'est pas une ville en quelque sorte. Et nous habitons, mes parents tiennent un café-épicerie toujours, dans un quartier populaire en bas. C'est-à-dire que la partie qui a brûlé était plus haute. Et là, nous habitons donc plus dans la zone ouvrière. Dans la zone, moins ouvrière qu'à Lillebonne. Une zone qui est faite de petits jardins, de petites maisons basses. Et aussi de très, très belles maisons bourgeoises, très proches. Donc c'est une ville où il me semble, avec la distance, que les différences sociales sont extrêmement fortes. Oui, c'est l'impression qu'on éprouve quand on lit vos romans. Et dès les armoires vides, qui est donc votre premier livre, il y a ce passage qui fait en fait penser à l'Amérique, d'ailleurs, je trouve. Ce passage de quartier, on franchit la ligne, on franchit des lignes invisibles, mais qui sont bien là, du quartier ouvrier au quartier intermédiaire. Oui, c'est marqué c'est marqué dans la typographie du lieu. On voit, il y a surtout, alors une fois que la ville sera reconstruite, ce sera encore plus évident, puisque ce sera au fond l'opposition d'une partie moderne avec le confort, avec des avec salles de bain, et une partie donc plus ancienne, plus laissée elle-même aussi. Oui. Et il y a évidemment toutes ces propriétés, ces grandes maisons bourgeoises là qui sont la terra incognita, qui sont le monde qui ne nous regarde pas, qui ne vient pas non plus acheter chez nous. Mais ce qui est un petit peu énervant. Alors ce qui est plus que c'est plus que qu'énervant, c'est vraiment une coupure énorme dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a il y a un monde qui évolue comme si l'autre partie du monde était invisible. Et c'est cette invisibilité-là dont il s'agit, en fait. C'est ça. Alors moi, je suis de la partie qu'on pourrait appeler invisible. Je suis dans l'invisibilité. Et je vais à l'école privée qui s'appelle le pensionnat Saint-Michel. Parce que ma mère, qui est très catholique, qui est très chrétienne. Et on en trouve beaucoup de traces et même de scènes très, très émouvantes de cette appartenance. Mais la religion est perçue, ça on y reviendra certainement comme un moyen de dépasser l'injustice aussi. C'est un recours, hein, oui. Tout de même. C'est un recours, mais pour ma mère, je pense que ça a été, surtout en tant qu'ouvrière, ça a tenu lieu de tout. Oui. De morale, de se tenir debout. C'était aussi un sens social, c'est-à-dire que d'être... souvent, elle disait, on n'est pas des chiens. Et cette formule-là, on n'est pas des chiens, donc on ne doit pas se comporter sans penser. Et c'était, au fond, la religion remplaçait, on peut dire, la philosophie, l'école, tout. C'était vraiment, ça a été sa façon d'exister dans le monde. Si ma façon d'exister dans le monde, il y a l'écriture qui est une façon d'exister. Et elle, c'était une de ses façons à elle. Mais c'était très prégnant parce qu'elle priait pour que son commerce aille bien, elle priait pour que j'aie mes examens. Mais en même temps, elle avait une véritable charité. Oui, c'est une femme qui donnait, vous disiez, voilà, qui aimait donner. Oui, c'est une femme qui aimait donner plus que recevoir et qui tirait orgueil. Bon, c'est toujours l'histoire du don, bien sûr. Quand on donne, on en tire une satisfaction profonde. Faut-il s'en apercevoir. Oui, elle ne faisait pas... il y avait une grande part de... une personnalité très complexe, une grande part d'orgueil, mais d'orgueil... Je dis bien orgueil, je ne dis pas vanité. Et elle était tout le contraire d'une femme qui veut paraître. Elle voulait être, j'allais dire, reconnue secrètement comme quelqu'un de bien, mais de bien en sens vraiment, c'était l'évangile, hein, c'était vraiment l'évangile. Cela dit, ça allait avec beaucoup d'autres choses absolument épouvantables de côté de ma mère. Mais bon, ça, je ne peux pas le lui retirer. Donc voilà, Annie, sur le chemin de l'école. Voilà, elle voulait que j'aie en même temps, dans un seul mouvement, l'éducation religieuse et l'éducation. Plus un autre argument qui pouvait se tenir, c'est-à-dire que l'école publique était très éloignée de la maison et l'école privée était plus proche. Mais il fallait quand même passer par la rue du Clos-Départ, c'est ça ? Alors ça, c'est la rue que nous habitions, la rue du Clos-Départ. Qui s'appelle rue Clopard, ça m'a fait rire dans les armoires vides. Oui. C'était un très joli nom. Oui, les mots en art, moi je ne trouvais pas que c'était très beau. Et c'est justement, je crois, j'ai rassemblé Clopard. Rue du Clos-Départ, c'est assez joli, je crois. Oui. Mais Clopard, c'était justement pour faire l'air. Cette torsion-là que je voulais vous faire remarquer, Annie Ernaux, c'est que dans ce premier livre, Les armoires vides, on a un tableau, un récit des souvenirs d'Yvetot, de ce chemin de l'école, de ce café-épicerie, qui sont en colère, qui sont à la fois attachés, très sensuels, mais violents quand même. Oui. Et puis progressivement, dans un certain nombre d'autres livres, le réel... se rétablit d'une certaine façon dans sa distance, à la fois plus à distance et plus près. Hein, il y a ce double mouvement. Oui, c'est peut-être un petit peu long à expliquer, mais Les armoires vides, c'est le livre qui contient presque tout, je dirais. C'est le livre qui raconte le passage donc du monde, de ce monde-là, invisible pour le monde bourgeois, mais ô combien tellement fort et tellement présent. C'est mon monde originel. C'est le monde vous dites de la sensualité, oui, parce que c'était un monde où tout se mangeait. Hein. Ma mère vendait des bonbons, vendait du fromage, etc. C'est un monde extrêmement heureux. Un monde où le monde m'est donné aussi, puisque dans un commerce, le café, c'est le monde des hommes, c'est le monde de l'abandon, mais c'est le monde du discours vide aussi, c'est de la hablerie. Sur le monde masculin, j'ai eu une vision peut-être assez noir, en même temps une mine, bien sûr. Et puis l'épicerie, le monde des femmes, qui et des histoires de femmes. J'ai baigné dans les discours, donc c'est un monde très riche. Et je vais à l'école, ce fameux pensionnat, et je découvre l'école avec un autre langage. On m'apprend à bien parler, parce que moi, je ne parle pas bien. On me reprend, je dois le dire, on m'humilie très profondément dans les les premières années. Puis je deviens bon élève très vite et j'apprends aussi à louvoyer entre ces deux mondes et à les tenir bien séparés, car c'est cela qu'il faut faire. Il faut éviter le regard du monde bourgeois sur le monde qui est le mien. Et malheureusement, ça n'arrive pas. Il y a quelquefois des copines de classe s'égarent dans le quartier, et c'est une honte ensuite d'entendre « Ah, tes parents, ils tiennent un café !» on sait bien la cruauté du monde enfantin. Je crois même qu'il y a dans cette Normandie que vous racontez à de nombreuses reprises et de manière assez souvent contradictoire, mais en tout cas précise et donc aussi violente, il y a un sens qu'on retrouve absolument au fil de tous vos livres, du barème, de la hiérarchie, de ce qui est de, tout le temps en mesure, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce que font les gens bien, ce que font les gens pas bien. Oui, mais c'est comme ça qu'on pense quand on est né dans le monde dominé. C'est-à-dire que le dominé en saura toujours beaucoup plus sur les hiérarchies, sur le monde dominant, même s'il ne le connaît pas, même si ce monde-là est invisible. Il en saura toujours beaucoup plus que le dominant. C'est une constante, et c'est pourquoi, ce qui explique certains de mes engagements politiques, c'est vrai qu'on est tout de suite affronté à la lutte des classes, on est affronté tout de suite au regard condescendant, aux paroles qui stigmatisent d'une manière extrêmement violente. Et ce sont des expériences si précoces qu'elles ne peuvent que être fondatrices, en quelque sorte. Et donc, obligées à prendre, dans l'écriture elle-même, au départ, vous avez dit combien les armoires vides étaient violentes. C'est un livre extrêmement violent, effectivement, pour raconter justement ce passage et comment l'école, je vais adhérer complètement aux valeurs de l'école, je vais me retourner contre mon milieu familial en me demandant pourquoi au fond mes parents ne parlent pas bien, pourquoi mes parents préfèrent les films de Fernandel et de Bourville à d'autres films, pourquoi mon père ne veut jamais aller nulle part, comme il dit, et qu'il préfère son jardin, pourquoi il n'aime pas lire, etc. Donc à l'adolescence, je suis dans ce retournement-là, dans ce monde qui se retourne, et bien entendu, ça se manifeste au point de vue sentimental, c'est-à-dire je veux absolument pas sortir avec les garçons de la campagne, comme on les appelle, ni même des garçons qui sont des ouvriers, hein, c'est ainsi, et que je recherche donc la compagnie des garçons bien, comme on les appelle, les garçons bien. Donc tout le langage est piégé, bien entendu. Et c'est ce livre-là et le livre fondateur où je mets au jour, effectivement, à travers un destin individuel qui est le mien, cette hiérarchisation de la société et aussi comment l'école, qui se veut libératrice, même si elle est privée, elle est tout de même, elle est toujours libératrice, elle est le fondement de ma liberté, mais en même temps, elle m'a fait passer de l'autre côté, elle a détruit énormément de choses, et elle m'a fait rendre, elle m'a donné ce sentiment de traîtrise, bien sûr. Ça, c'est encore autre chose. C'est une écrivaine américaine qui s'appelle Eudora Welty, qui disait qu'elle était devenue écrivain parce qu'elle entendait les conversations de sa mère et des amis de sa mère par-dessus sa tête, qu'elle ne comprenait pas tout, mais qu'elle attrapait tout ce qui... la matière de langage. Et je prendrai pour commencer cet exemple des armoires vides. Je trouve qu'on recense là très fortement qu'il y a en l'occurrence, en tout cas, au moins trois langages. Le langage de l'épicerie, le langage du café, le langage de l'école, et que la narratrice, enfin qui, dans Les Armoires Vides, est un personnage qui a encore un nom. Oui, c'est vrai. Denise Lesure. Absolument. Je tenais beaucoup à ne pas dire « je ». C'était un moyen... C'est vrai que cette façon d'entrer dans une fiction a été pour moi une manière aussi de lever toutes les censures intérieures. Ça a été beaucoup plus facile de cette façon-là. Et je pensais tout de même que si j'étais publiée, attention, hein, c'était un livre un peu lancé comme ça, à la bouteille à la mer, faire. Si j'étais publiée, on ne savait pas. Il valait mieux quand même qu'il y ait un personnage. Ce serait plus facile pour parler, bien sûr. Et d'ailleurs, ça, c'est vrai que ça l'a été. Denise Le Sur, c'est un nom assez normand. Hein. Oui. Il y a beaucoup de Elle est très crédible. Voilà, très crédible. Quant à Denise, alors, c'est peut-être intéressant de dire pourquoi, oui. Parce que je cherchais un prénom et comme ça, et c'est ce prénom-là qui m'est venu, parce que lorsque j'étais enfant, j'écrivais des lettres à une amie imaginaire, et cette amie imaginaire portait le prénom d'une cousine que je n'ai jamais connue, mais qui existe vraiment. Bon, mes parents étaient fâchés, comme ça arrive dans souvent les familles, ils étaient fâchés à mort, et là ça a vraiment été à mort, et donc cette cousine s'appelait Denise, et ces lettres, hein, donc, ces lettres à l'inconnu, en quelque sorte, voilà, ça m'est revenu au moment où j'ai choisi, où j'étais vraiment dans mon livre, voilà, Denise. Donc, je suis très tenue et je suis seule. Et donc, je lis énormément. Je lis jusqu'à plus soif et je vis dans les livres. Je vis littéralement, je vis d'une vie imaginaire constante, absolument constante, qui ne cesse qu'à l'école, et je dirais, et encore. C'est-à-dire, comme j'apprends assez vite, je décroche et rêvasse. Voilà, je rêvasse et je suis toujours dans des imaginations, des vies irréelles. Pour moi, qui ensuite n'écrira que la réalité. Oui, j'allais souligner un paradoxe permanent. Permanent. Toute mon enfance est une imagination dont je parle dans les armoires vides tout de même. C'est-à-dire que je vis d'autres vies tout le temps. Je suis la petite fille du château des Iris Bleus. Brigitte, de Berthe Bernage. Encore là, pas trop, parce que c'est des livres d'adolescence. C'est plus tard, en fait, c'est pas si marrant que ça, au fond, ces livres de Berthe Bernage sont des moralisateurs. Bon. mais je préfère les héroïnes imaginaires dans lesquelles je peux me projeter. Alors évidemment, Scarlett O'Hara, ça sera la grande sœur, le grand modèle, ce sera le rêve. Pourtant, votre mère l'aime beaucoup aussi. Ah oui, bien sûr. On est 13 quand on emporte le vent. Elle me l'a donné à lire lorsque j'avais 9 ans. L'été de mes 9 ans, j'ai lu Autant d'emporte le vent. Et ça, c'est une chose extraordinaire. C'est que ma mère lisait beaucoup, comme les femmes de la famille, enfin du moins certaines. Elles sont au moins 2-3 à lire beaucoup, dont ma grand-mère. Et elle aime tellement lire que pour elle, c'est tout naturel que moi, sa petite fille, je lise. Et elle ne m'interdit rien, il faut le dire. Alors, naturellement, je suis abreuvée de feuilletons, de confidences, de la mode du jour, l'écho de la mode, etc. Bon, toute cette littérature. Comment, instructive, quand même. C'est très instructif sur le monde. Oui. Oui, et sur les sentiments. Sur l'amour, même, par l'amour, exemple. Sur l'amour, c'est très instructif. Et donc, autant n'emporte le vent. Et voilà. Je crois qu'on en était à cette solitude qui me fait que je lis énormément et aussi qui me fait rêver, qui me fait inventer ma vie continuellement. Et donc cette Denise à qui j'écris. Vous êtes une petite fille donc dans ce café-épicerie qui perçoit des injustices, des inégalités, de la violence sociale et des clôtures, et vous inventez un monde qu'on dirait aujourd'hui virtuel, en tout cas imaginaire, dans lequel de journée idéale. Et à l'inverse, en vous réfugiant, vous construisant dans l'écriture, beaucoup plus tard, vous ferez une sorte de chemin inverse qui consistera à sauver, préserver le réel de ce temps temps-là, mais d'une manière plus générale. Exactement. Le réel du présent, le réel du RER. Le réel qui s'échappe, le réel qu'on ne voit jamais. Voilà, c'est ça, à la recherche du réel. Et ça, c'est certain, je l'ai moi-même constaté quelquefois, même avec amusement, de voir à quel point, pour quelqu'un qui a vécu autant dans l'imaginaire, et lorsque je lis par exemple les Confessions de Rousseau, où il dit qu'il voyage, hein, il marche, et que ses voyages, il n'a jamais autant rêvé que dans ses voyages. Mais en même temps, il ne peut pas raconter ses rêves parce que justement, il vit dans d'autres vies. Et je me disais que ce garçon, ce jeune homme qui deviendra Rousseau, c'est au fond cet adolescent, c'est un petit peu moi aussi, et enfant et à l'adolescence. C'est-à-dire que je pense que c'est une façon de percevoir très tôt qu'on peut être soi en étant les autres, être les autres permet de devenir soi. Je ne sais pas si résister au. Oui, c'est surtout c'est une échappatoire, et puis aussi c'est l'action échappée au monde réel. Cela dit, ça a eu une influence aussi. Alors là, ce mélange, si vous voulez, à la fois donc de l'influence de la lecture, de l'imaginaire et la violence sociale, va faire que en écrivant, je veux retrouver bien sûr le réel. Mais en même temps, je suis très remontée contre. Oui, c'est le terme. Je suis très remontée contre une littérature qui a nié et dénié ce monde réel. Moi, vous savez, j'ai été vraiment stupéfaite, mais c'était quelque chose d'absolument incroyable que de lire, j'avais 16 ans et demi, Les raisins de la colère de John Steinbeck, parce que je n'avais rien lu de semblable dans la littérature française. Et c'est un livre qui avait profondément marqué ma mère elle-même dans les années, à la fin des années 30, avant la guerre. Elle l'avait lu avant la guerre, elle ne possédait pas le livre. Elle me l'a apporté, je me souviens très très bien. J'étais au début de ma classe de seconde et elle m'a donné ce livre. Et ça a été un bouleversement parce que il y avait des gens, j'allais dire, comme j'en voyais dans le café, et qui étaient là dans un livre. Enfin. Enfin. C'était À voix nue. Annie Ernaux s'entretenait avec Geneviève Brisac. Réalisation Bruno Sourcy. Culture, un été d'écrivain. D'écrivain, deuxième partie, le temps de la lecture avec Annie Ernaux. Dans son livre Les années, paru en 2008, Annie Ernaux évoque souvenirs personnels et histoire collective des années 1940 à aujourd'hui. Grâce au récit d'événements, à la description d'objets, de photos, l'auteur nous parle de sa vie, mais aussi de l'évolution de la société, du temps qui passe. Elle aime qualifier son livre

est publié aux éditions Gallimard. C'était un été d'écrivains, des entretiens, des lectures, des auteurs français, des auteurs étrangers. Toute cette semaine, Annie Ernaux. Vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr cette émission, ainsi que toute la série d'un été d'écrivains. À demain.